On va parler du repêchage de la Ligue Junior du Québec qui avait lieu en fin de semaine avec Simon Gaudreau. Puisque les Aigles de Roberval, il y a deux joueurs des Aigles qui ont été repêchés. Salut Simon. Salut Danny. Simon, tu vas être content certainement. D'abord, est-ce que c'est une première? Ah ouais, c'est une première pour nous là, en 3 ans d'existence. C'est notre premier joueur repêché. OK. C'est pas notre objectif nécessairement de faire repêcher des gars. L'objectif, c'est de les développer puis peut-être de les envoyer dans structure intégrée ou de les envoyer dans le midget 3. Mais là, avec une année particulière comme on a vécu là, d'avoir un joueur repêché, c'est un beau cadeau, mettons. On est bien content de ça. Puis ça démontre que le développement se fait bien de notre côté, puis on est bien content. OK. C'est les deux joueurs, il y a Gabriel Gaudreau, je pense, de Dolboum-Cesny, c'est ça? Oui, exactement. Gabriel Gaudreau, là, que lui évolue chez nous depuis 2 ans. Qui a été repêché en 10e ronde par les Foreurs de Val-d'Or. OK. Et puis un de nos anciens là, qui a été 2 ans chez nous, là, Émile Pagé, avant que on l'envoie dans la structure intégrée, jouer au Midget Espoir cette année, a été repêché là, 4 choix après, là, 184e par le Drakkar de Bécomo. On est vraiment contents pour eux autres. Puis c'est des jeunes qui travaillent fort sur glace. Donc, on est bien content de ce qui leur est arrivé en fin de semaine. OK. Est-ce que le fait que c'est pas les Saguenayens, est-ce que c'est une déception? Ben, le but vraiment c'est de pour vous autres là, c'est qu'ils soient repêchés. Puis est-ce que c'est en même temps c'est un petit velours aussi parce que les Sags, il y a toujours le côté local qui regarde. Donc le fait que c'est une autre équipe, ça doit être un petit velours aussi. Ben oui, peu importe l'équipe, Ouais. je suis vraiment content pour eux, que ce soit pas les Saguenayens. Écoute, c'est pas grave non plus. Des fois, je suis un peu étiqueté Saguenayens. Le fait que ce soit par d'autres équipes de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, je suis content aussi. Ça démontre, comme je te disais tantôt, que le développement se fait bien de notre côté. Puis qu'on aide les jeunes à aller dans le niveau supérieur. Puis on est très content de ça. OK. Gabriel Gaudreau, quel genre de joueur que c'est? Gabriel Gaudreau, là, c'est un jeune qui a grandi dans les dernières années. C'est un jeune avec un gros gabarit, un jeune avec du caractère, qu'il doit l'utiliser à bon escient. Des très bonnes mains, capacité de faire des jeux incroyables, un très bon passeur capable de marquer des buts. Est un joueur normalement important dans une équipe. Fait que non, honnêtement, le repêchage de cette année, les dépisteurs, pour en avoir parlé à quelques-uns, cherchaient des packages, des développements un peu plus tardifs, mais des jeunes avec un bon potentiel de développement. Puis Gabriel, c'était un jeune, dans le fond, qui avait tous ces critères-là, en fait, de package. Il y a un beau, très, très beau coffre à outils qui peut continuer de développer dans les prochaines années. Et le choix de l'autre choix. Émile Pagé, lui, de son côté, c'est un jeune qui est late, donc il reste encore 2 ans à midget dans le hockey civil. Pour ce qui est de son développement, c'est très bien. Quand on parlait avec les parents, peu importe, le facteur late était quand même important sur le fait que ça lui donnait quand même une année de développement de plus. C'est un jeune qui compétitionne à chaque pratique, qui compétitionne à chaque match. Lui devoir passer la rondelle en arrière de la ligne, là, c'est la pire affaire. Il va tout faire pour pas que ça arrive, là. Dans ce caractère-là, pour en avoir vu quelques-uns, Samuel Harvey est un petit peu comme ça. L'ancien des Huskies, là, qui a joué dans structure. C'est un jeune avec un très beau potentiel. Il a grandi aussi. On dit qu'il fight beaucoup. Il est en train de continuer de travailler sa technique. Je pense qu'il est à la bonne place là, au moment. Ça va être un jeune qui va se battre très fort pour le camp des élites là, au Midget 3. Mais ça veut tellement rien dire cette année, l'ordre de sélection. Tu peux avoir un choix de 10e ronde qui est en réalité un choix de 2e ronde. Il n'y a pas eu d'année. C'est incroyable, hein? Non, c'est sûr. Puis même par rapport à l'évaluation, tu sais, Ouais. l'évaluation c'était faite pendant des pratiques. On n'a pas pu jouer de match. Donc, tu sais, comme je disais dans les journaux, pour les 10 premiers choix, pas mal tout le monde était unanime. Mais après ça, C'était vraiment un coup de dé, hein? c'était, ben, Sans être un coup de dé, c'est sûr que des choix de deuxième à quatrième ronde, c'est sûr qu'il peut avoir un certain jeu. Puis je suis convaincu qu'après ce repêchage-là, dans 3-4 ans, qu'on va le voir, puis qu'on va refaire ce draft-là, c'est sûr qu'il va y avoir des choix de neuvième ronde qui auraient peut-être dû sortir en quatrième ronde, et etc. Ça, c'est sûr. Ouais. OK. Et si on parlait maintenant du côté des aigles, là, on sait même pas ce qui s'en vient. Est-ce que vous préparez, comment vous préparez votre saison quand même? Nous, là, tout est préparé. La saison est faite là, à 99%, début des activités au mois d'octobre. De ce qu'on se fait dire dans nos rencontres, la deuxième dose serait faite là, quelque part au mois d'août. Donc, il faut donner 3 semaines à ça. Donc, ça nous amène pas loin du début octobre. Donc, une saison normale, 28 matchs, les challenges, on reçoit, s'il y a lieu bien sûr, mais on reçoit le challenge cadet Division 2 cette année à Roberval. On est très content d'accueillir cet événement-là chez nous. Il va avoir une classe scolaire hybride au tournoi Peewee Jonquière. Donc, tu sais, on a avancé les dossiers quand même. Tout est prêt. Les camps d'entraînement, on y va comme si on revenait à la normale, là, dans le fond. Parce que présentement, on est en zone verte, là, donc depuis ce matin. Fait que à suivre, là. Mais est-ce que les choses vont changer au mois d'août? Ben, Écoute, je suis même pas ça, je peux pas le surpris de ça. savoir. J'ai bien l'impression que ça. Hey, mais comment t'as dû jouer? Évidemment, t'avais toujours un camp au printemps pour montrer un peu le programme des aigles, et ainsi de suite. Ouais. Ça, ça a dû se faire de façon virtuelle cette année aussi. Donc, comment tu t'attends à avoir de joueurs au camp d'entraînement? Ben, dans le fond, on s'est avancé quand même. Ce qu'on a fait, c'est que tous les jeunes qui étaient déjà dans nos équipes, dans nos structures, on les a fait passer tout de suite au camp qui va avoir lieu au mois d'août parce que, tu sais, on les connaît, là. Ça fait des années qu'ils sont chez nous. Ce qu'on a fait, par contre, c'est qu'on a fait des camps individualisés. Donc, un jeune pouvait venir sur la glace seul. Se faire évaluer. Fait qu'on avait fait des ateliers, un atelier de maniement, un atelier de patinage, etc. Fait que ça a pu nous donner un certain aperçu, là, surtout pour notre catégorie Benjamin qu'on n'a pas pu voir jouer cet hiver. Puis on voulait vraiment se donner un coup d'œil, puis fallait s'avancer avec nos équipes. Fait que certains jeunes sont confirmés, d'autres ne le sont pas encore. Fait que le reste ça va aller au mois d'août. Pour nos différentes catégories, là, pour notre cadet, on est encore quelque chose comme 45 joueurs au camp. Notre Benjamin, on est peut-être encore 23-24. Notre juvénile, on est encore 25-26, tout dépendant de ce qui se passe avec les élites là, puis le milieu d'espoir. Bon, on va y aller avec un petit peu. Je sais que les Saguenay, tu étais prêt des Saguenay. Est-ce que Hendrix Lapierre a été échangé? Louis Crevier a été échangé également. Ça sent la reconstruction, hein? Ouais, ben là, bien évidemment, là, après ces années-là où ce que les Saguenay avaient des équipes là, pour aller au Grand Honneur, ben là, on doit recommencer le cycle junior là, pour les Saguenay. Donc, on l'a vu avec les échanges qui ont été faits là, un petit peu avant le repêchage, qui ont été annoncés au repêchage, mais qui ont été faits avant le repêchage. Fait que non, c'est clair qu'on recommence la roue là, du côté des Saguenay. C'est vraiment dommage d'avoir été 2 années où que les gens n'auront pas pu profiter là, vraiment pleinement de l'équipe. Et Yannick Jean aussi qui avait travaillé fort aussi pour ça. Là. Ouais, effectivement. Simon, un gros merci. Au plaisir de se parler. On va recommencer nos chroniques à l'automne. S'il y a une saison. Ça marche, Notre ami super. Simon